la pause interview sur Radio Côte Basque avec la rubrique spéciale Esprit vivant. Et nous accueillons aujourd'hui Régis Darieux-Merlou, président de l'APESA Bayonne. Toujours au micro de Bruno Fleury pour Esprit vivant. Merci Alain, bonjour Régis et bonjour bienvenue Bruno. Dans Esprit vivant. Régis, l'APESA Bayonne est une structure qui accompagne les chefs d'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que l'APESA ? Alors l'APESA c'est une organisation qui a pour but de mettre en rapport immédiatement, gratuitement et anonymement des chefs d'entreprise, des commerçants, des artisans en grande souffrance psychologique, de les mettre directement en contact avec un réseau de psychologues. Quel est le pratiquement si j'étais chef d'entreprise et que j'étais en difficulté, j'ai un numéro où je peux appeler l'APESA ? Oui, il y a une adresse mail, apesabayonne@gmail.com. Et on est très réactif. Ça commence par un petit entretien avec la personne qui est en grande souffrance. Et puis, très rapidement, on les met en contact avec une plateforme téléphonique 24 heures sur 24 qui va faire un diagnostic là purement médical et les orienter, si besoin est, vers un réseau d'une quinzaine de psychologues avec qui nous avons un partenariat sur la côte basque, Bayonne et l'intérieur du Pays basque. Donc il y a des professionnels de santé qui accompagnent l'APESA, qui sont à disposition finalement s'il y a un chef. On sait qu'aujourd'hui la pression d'un chef d'entreprise est terrible, hein, que ce soit la pression fiscale, toutes les pressions qu'il puisse subir. Il y a des pressions de chiffre d'affaires, des pressions de rentabilité, de recrutement, etc. Est-ce que c'est difficile de les accompagner ? Est-ce que c'est difficile de se faire entendre et de se faire connaître pour ces chefs d'entreprise ? Alors bon, chef d'entreprise, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de s'épancher sur ses problèmes, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'y faire face tout seul. On parle très souvent de l'isolement du chef d'entreprise, mais c'est vraiment une belle vérité. Malgré tout, à un moment donné, quand on échange avec ces gens-là, on se rend compte qu'ils sont face à des difficultés énormes, alors des difficultés professionnelles, des difficultés de santé qui s'additionnent ou des difficultés d'ordre familial. Et tout ça font qu'ils sont en rupture et que certains ne peuvent plus aller au travail, certains sont malades. Bon, et nous, on est là pour les écouter et sonner l'alerte en suivant. Oui, ouais, c'est vrai que malheureusement, la souffrance du chef d'entreprise est encore très tabou, hein, ici en France et au Pays Basque. Et c'est difficile parce qu'il y a une certaine forme de honte, de peur, et le chef d'entreprise qui va pas bien va chercher l'isolement, mais à côté de ça il y a aussi cette coupure et cette rupture familiale quelquefois. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, chef d'entreprise, il investit beaucoup financièrement, il investit familialement, il investit socialement dans son métier, il représente tout ça auprès de ses amis, de ses clients. Et c'est une grande fierté pour lui, il consacre sa vie, la journée, la nuit, les week-ends. Et puis lorsque les difficultés sont trop grandes, il fait face à un épuisement, un isolement. Il y a même des gens qui passent au tribunal de commerce et qui sont en grande difficulté, qui n'en ont pas parlé à leur conjoint, parce oui. que c'est vraiment quelque chose de très difficile à assumer pour eux. Et ils sont en souffrance aiguë et... nous on s'adresse aux gens qui commencent à avoir des idées noires vraiment, et c'est pas qu'ils aient envie de mourir, mais ils n'en peuvent plus de la souffrance qu'ils portent sur les épaules depuis des semaines, des mois, voire des fois des années. Tu exprimes là le fait que quelquefois quand le chef d'entreprise s'adresse à l'APESA, on est déjà dans un état d'urgence. Oui, tout à fait. On sait lui poser les bonnes questions. Alors comment on les détecte? On a un réseau de sentinelles, ce sont des personnes qui sont en contact avec le milieu professionnel, qui travaillent dans les chambres de commerce, dans les chambres de métiers, dans les différentes fédérations professionnelles, bâtiments, services, restauration, et qui sont en contact régulièrement avec des chefs d'entreprise et des chefs d'entreprise qui ne vont pas bien du tout Et certains voient le déclin de ces gens-là petit à petit, puis ils s'aperçoivent qu'au bout d'un moment, ils ne peuvent plus les laisser repartir chez eux dans l'état où ils sont. Et donc ces sentinelles qui ont été formées pendant 3 heures, en présentiel ou en distanciel, à savoir reconnaître, à savoir poser les bonnes questions pour connaître le degré de souffrance de la personne qui est en face d'eux, oui. Fait une alerte via une application, la personne est rappelée, l'entrepreneur, le chef d'entreprise qui va pas bien est rappelé dans les 24 heures, et on lui trouve un rendez-vous avec un psy dans les 5 jours, proche de chez lui. Et la PESA prend en compte financièrement les 5 premières séances de psy. Ouais, c'est énorme. Hein. C'est, on peut dénombrer combien en gros d'appels au secours peut-être en 2025 sur notre région, sur Mayenne. Alors, on a démarré juste au mois de mai 2025, la première formation Sentinelle. Sur l'année dernière, on était dans un. On est monté petit à petit, mais on est arrivé à 3 signalements par mois. Avec juste un réseau qui n'est pas encore connu, oui. Avec peu de sentinelles. Alors il en passe beaucoup par le tribunal de commerce, parce que l'origine de la création d'APESA Bayonne, c'est le tribunal de commerce. C'est d'abord la procureure adjointe de la République qui a demandé au président du tribunal de commerce de mettre quelque chose en place humainement pour venir en difficulté à ces entrepreneurs qui sont déjà, pour certains, au bout du rouleau lorsqu'ils viennent déposer un bilan ou lorsqu'ils font face à un redressement judiciaire. Et donc on les capte là, beaucoup sont en souffrance quand ils arrivent là. Quelques-uns le font apparaître dans leur comportement, dans les émotions qui surgissent à ce moment-là. Donc on en identifie déjà pas mal à ce moment-là, qui est un passage critique pour une entreprise. Et ensuite, avec tous les gens qui sont en contact avec le milieu professionnel, tous les organismes, tous les gens qui sont dans le tissu d'aide aux entrepreneurs, au développement ou en difficulté. Il en arrive quelques-uns par ce biais-là, mais pas suffisamment. Donc on va remettre en place une formation au printemps-été 2026 pour qu'il y ait davantage de sentinelles sur notre territoire. Oui, il y avait un relais, hein, je crois, qui était fait aussi auprès des comptables, des experts comptables. Il me semble avoir échangé ou entendu ça, qui eux, certaines fois, justement, eux ont quelquefois l'alerte par les chiffres, mais pas que, et qui peuvent aussi justement avoir et être sentinelles et pouvoir accompagner des chefs d'entreprise qui sont déjà en difficulté sur le plan financier. Oui, à partir du moment où on est rentré en contact avec une organisation professionnelle de l'ensemble de ces métiers, des comptables ou du bâtiment, des travaux publics, de l'hôtellerie de plein air ou des restaurateurs, ces gens-là sont des relais. Et même si eux ne sont pas sentinelles, ils savent à qui s'adresser pour faire un signalement, quoi. Et donc là, le téléphone marche très vite et c'est efficace. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Ça vous prend beaucoup de temps pour le réseau ici, ce travail à PESA ou... Oh, c'est un travail de fourmi, oui. Où c'est régulier. Il faut avoir de la disponibilité, certes, mais c'est très prenant. Et puis, quand vous avez quelqu'un au bout du fil qui est en sanglots, qui ne sait pas comment faire, qui est au bout du rouleau, qui se trouve dans une impasse, face à lui, sur les côtés, même derrière lui, ben voilà, lui proposer une porte de sortie, quelqu'un qui lui dit « je peux faire quelque chose pour vous aider », ben ça n'a pas de prix, donc oui, la motivation, sûr, elle est toute trouvée. Oui, ça, j'imagine. Est-ce qu'on peut rappeler l'adresse ou le lien pour vous joindre ? APESA Bayonne, tout simplement, c'est une adresse mail, apesabayonne@gmail.com. Et Régis, si vous aviez un message à faire passer, un message pour justement les auditeurs qui seraient là en difficulté, quel serait-il là, maintenant, tout de suite ? Écoutez, quand vous avez un ami qui est engagé dans son entreprise et vous voyez qu'il ne va pas bien, posez-lui les bonnes questions. Est-ce que je peux me faire du souci pour ta santé ? Et sur une échelle de 1 à 10, c'est une question simple, mais sur une échelle de 1 à 10, je dois me faire quoi comme souci ? Où c'est que tu en es de ta souffrance ? Et là, c'est très, très parlant. C'est des questions, en principe, qui ne sont pas esquivées par les gens qui ne vont pas bien. APESA, il faut retenir APESA dans sa tête. Vous tapez APESA sur Internet, vous trouverez APESA France ou APESA Bayonne, oui. Et vous trouvez un interlocuteur. Et puis, ça, on rejoint ces questions qui sont des questions de premier secours en santé mentale, hein, puisque c'est ça, la formation, elle vient aussi de là. C'est effectivement de pouvoir tendre la main et d'avoir les bonnes questions au bon moment. Ce sont des questions qui sont souvent très ouvertes et qui amènent la personne à avoir envie de se livrer immédiatement. Hein, c'est bien ça. Oui, et puis c'est un sujet sensible. On n'ose pas, on ne sait pas quoi faire quand on a quelque chose qui va mal, quelqu'un qui va mal en face de soi. On ne sait pas trop comment l'aborder, donc c'est gênant, on est très mal à l'aise, on peut dire aux gens, il faut que tu vois quelqu'un, mais ce n'est pas la solution. Ces gens-là, ils sont, pour tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, un chef d'entreprise, ce n'est pas quelqu'un qui va facilement aller se plaindre, donc il faut, à un moment donné, il faut lui venir en aide, quoi. Et apaisa. Et est-ce qu'au niveau de la chambre de commerce, il y a des choses justement qui sont organisées? La chambre de commerce a mis des moyens à notre disposition, oui. Nous a accueillis pour la première formation sentinelle. Il y a quelques sentinelles aussi au sein de la chambre de commerce. Il y en a à la chambre des métiers. Il y en a quelques-unes sentinelles disséminées un peu partout. Et il y en aura d'autres très prochainement. Bon, c'est vraiment très chouette, et puis bravo hein, pour le boulot fait sur le terrain. Merci pour ces chefs d'entreprise là, pour ces femmes et ces hommes qui sont en souffrance et qu'on peut accompagner. Merci Régis pour cette humanité forte dont tu fais partie sur cet accompagnement. C'est vrai qu'après une belle carrière professionnelle, ayant été aussi juge au tribunal de commerce, ton expertise est très, tout à fait intéressante par rapport à l'aide que tu peux apporter aux chefs d'entreprise, et c'est vraiment, vraiment très chouette. Je vous invite à nous retrouver hein, sur le podcast, à écouter Régis, et n'hésitez pas, si vous avez par pitié quelqu'un en souffrance dans votre environnement professionnel ou familial, apaisa. Merci Régis. Merci, avec plaisir.